Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la mystérieuse et très médiatisée disparition d'Estelle Mouzin. Un fait divers quasi historique. Une interminable enquête qui révèle, 17 ans plus tard, ses plus sombres secrets, mais aussi les dysfonctionnements de la police et de la magistrature. Estelle Mouzin, ce nom vous évoque forcément quelque chose. En 2003, sa photo, celle d'une enfant de 9 ans, aux grands yeux verts et au sourire timide, est placardée sur tous les murs de France. Il y est écrit son nom, sa taille et ce qu'elle portait sur elle le jour de sa disparition. Doudoune bleue, béret violet, jean et pull rouge. C'est le 9 janvier 2003, dans les villages de Guermantes, en Seine-et-Marne, que tout bascule. Alors qu'elle rentre de l'école, située à moins d'un kilomètre de sa maison, Estelle se volatilise. Pour la retrouver, des moyens monumentaux sont mis en œuvre et la couverture médiatique est sans précédent. Au fil du temps, le visage d'Estelle s'ancre dans la mémoire collective du pays. Cette affaire, c'est aussi et surtout une enquête sans fin sur laquelle plane toujours l'ombre et même la réalité de celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Notre invité aujourd'hui, Didier Seban, avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle, qui depuis la disparition de sa fille ne cesse de se battre pour que surgisse la vérité. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Bekena Lioré, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le jeudi 9 janvier 2003, à 18h, les habitants de Guermantes s'apprêtent à vivre une soirée comme les autres. Situé en région parisienne, ce village abrite les cadres plus ou moins supérieurs qui ont choisi une vie plus ou moins tranquille, à l'écart du tumulte parisien. À Guermantes, il y a un château que plus personne ne visite. Et à quelques encablures, il y a les châteaux en plastique de Disneyland que tout le monde visite. Rendu célèbre par Marcel Proust, le nom de Guermantes désigne ce qu'on appelle une banlieue dortoir où il ne se passe pas grand-chose. Peu de commerce, un tabac, une boulangerie et des rues désertes, surtout l'hiver. Chacun reste chez soi. Ce soir-là, alors que les Guermantais rentrent chez eux, justement, la sonnerie retentit à l'école de Val-Guermantes. C'est la fin d'études. Les écoliers rassemblent leurs affaires, ferment leur cartable et se pressent vers la sortie. Parmi eux, Estelle Mouzin, 9 ans, une habituée de l'étude, où sa mère, Suzanne, l'a inscrite en septembre. L'année précédente, Suzanne partait tôt le matin et venait chercher sa fille à 16h30. Mais Estelle, tête en l'air, c'est l'âge, oubliait toujours quelque chose à la maison. Ses affaires de sport, son cahier de texte, sa trousse. Alors sa mère a changé ses habitudes. Désormais, Estelle aidera sa fille à se préparer le matin, mais ne rentrera qu'à 19h du travail. Ce soir-là, comme d'habitude, la fillette fait la moitié du chemin avec une copine. Elle s'arrête à la boulangerie, y achète un croissant et pourquoi pas quelques bonbons. Après quoi, elle se sépare. Estelle traverse seule la nationale pour rejoindre le sentier qui mène à sa maison. Il fait froid, elle grelotte. Ce chemin, qui lui est pourtant familier, lui fait un peu peur. La nuit est tombée, le temps est brumeux, la neige recouvre tout. La maison n'est qu'à 500 mètres. Alors courageuse, elle s'engage et disparaît dans l'épais brouillard. Elle ne rentrera jamais chez elle. Lorsque sa mère arrive du travail, elle s'étonne évidemment de ne pas trouver sa fille à la maison. Inquiète, elle appelle les parents des copines d'Estelle, les quelques voisins chez qui l'enfant va jouer, parfois. En vain, personne n'a vu Estelle. À 9h45, elle se rend au commissariat le plus proche, à Lagny. Avant de partir, elle prévient Eric, le père d'Estelle, dont elle est séparée depuis 2 ans et qui continue sa vie avec une autre femme. Interrogé par le Parisien, quelques heures après la disparition de sa fille, Éric raconte comment il a été informé. J'ai reçu un coup de téléphone de mon ex-femme vers 20h45 jeudi soir. Elle allait déposer plainte au commissariat. J'ai commencé par passer tous les coups de téléphone possibles pour mobiliser mon réseau d'amis. Ça ne servait à rien de se jeter dans les embouteillages. Ensuite, je suis venu. Quand je suis arrivé vers 23h30, les recherches commençaient. Mais est-ce que des difficultés familiales peuvent expliquer sa disparition ? Il n'y avait aucune difficulté. J'ai appelé la directrice de l'école qui a parlé au maître qui surveillait l'étude. Estelle était concentrée, travailleuse et de bonne humeur. Elle savait parfaitement qu'on organisait un Noël samedi soir parce que nous étions en voyage à l'étranger au moment des fêtes. Elle n'avait aucune raison de fuguer et d'ailleurs elle ne l'a jamais fait. Eric pense tout de suite à un enlèvement. Une gamine ne disparaît pas pendant 4 heures comme ça, sans motif. Et si elle n'est pas rentrée, c'est qu'elle est ailleurs. Et pas toute seule, se dit-il. Les policiers de Lagny arrivent au domicile d'Estelle, posent quelques questions à Suzanne et très vite reconstituent l'itinéraire de l'enfant. Ils inspectent les alentours, les sous-bois, les lacs gelés qui jalonnent le sentier, sans résultat. À mesure que les heures défilent, l'angoisse envahit Eric et Suzanne. Le lendemain matin, les recherches reprennent. Les journalistes de France 3 sont sur place. Les recherches ont repris ce matin à 9h pour tenter de retrouver Estelle, disparue jeudi soir à Guermantes, près de Marne-la-Vallée. Une centaine de CRS sont mobilisés avec une brigade canine, une brigade équestre et un hélicoptère. Estelle, 9 ans et demi, n'est pas rentrée chez elle après l'école. Elle a été vue pour la dernière fois vers 18h15 par une passante. Vendredi 10 janvier 2003, le jour se lève sur Guermantes et la nouvelle de la disparition d'Estelle Mouzin se répand comme une traînée de poudre. Spontanément, les habitants se rassemblent et cherchent à se rendre utiles. À la mairie, une cellule de crise est ouverte. On imprime des avis de recherche, on les placarde dans tout le village. Et sur toutes les lèvres, la même question, où peut bien être la petite ? À ce stade, la police n'écarte aucune piste. Mais la fugue semble peu plausible, on l'a dit. Alors, on pense à un accident et on entame les recherches. Les Guermantais participent activement aux battues, comme en témoigne cet extrait du documentaire France Culture de Michel Pomared, intitulé « Estelle disparue ». Des chiens pour renifler coins et recoins. Des policiers qui agrandissent le périmètre de recherche et ne négligent aucun buisson. Les habitants de la commune se retrouvent spontanément devant la mairie. Alors s'il vous plaît, s'il y a peut-être 20 personnes qui se mettent d'un côté... Pour aller fouiller les environs. 20 personnes tout de suite, là. Les tronçonneuses voilà. Des pompiers s'activent sur les couches de glace qui recouvrent les bassins. Objectif, mieux sonder les étangs. Les hélicoptères survolent les champs verglacés. Les résidents explorent les bois enneigés. Pour finalement, au soir tombé... Rien, aucun élément, que dalle. Dépité, envie de pleurer, tout. On est dépité parce qu'on aimerait juste la retrouver, point. J'ai une fille qui était la copine d'Estelle. Policiers égarmentés inspectent les rues, ratissent les chemins, les bois, le parc du château, le golf. Les moindres recoins sont fouillés, mais rien. Pas un indice, pas la moindre trace d'Estelle. Une passante affirme bien avoir croisé la route de la jeune fille la veille à 18h15, à hauteur de la boulangerie. Mais ça s'arrête là, on n'en sait pas plus. La police n'écarte pas la possibilité d'un kidnapping parental. Elle suit donc la procédure circulaire dite de l'escargot. Stéphanie Duchâtel, commandante de police en charge de l'enquête, explique dans Envoyé spécial cette technique de recherche qui a tout de suite été mise en place pour retrouver Estelle. C'est un classique, c'est ce qui s'appelle, il me semble, la technique de l'escargot, c'est-à-dire qu'à partir d'une victime, on tourne autour d'elle par cercle en s'éloignant de plus en plus d'elle, tant qu'on n'a pas trouvé d'éléments qui peuvent nous ramener un auteur. Donc Estelle Mouzin, c'était d'abord Guermantes, c'était d'abord la famille Mouzin, ses parents, ses oncles et tantes, ses familiers, ses voisins. Il faut dire que le contexte n'aide pas. Les Mouzins sont séparés depuis peu et Eric aurait émis le souhait que ses filles, Lucie et Estelle, viennent vivre avec lui, tout comme leur frère Arthur. Bref, les rapports du couple ne sont pas au beau fixe. Ça veut dire que l'un des parents peut très bien avoir voulu soustraire l'enfant à son ex-conjoint. Et puis, l'attitude du père pose question. Il n'a pas l'air très concerné. En tout cas, il ne laisse pas transparaître des émotions. Il le trouve froid, voire insensible face à la situation pourtant terriblement anxiogène pour un père. Eric le sent bien, à ce moment-là, il est dans le viseur des enquêteurs. Alors, pour ne pas éveiller d'inutiles soupçons, il coopère, répond aux questions de la police, se soumet sans rechigner à deux reprises aux perquisitions qu'on effectue chez lui. Pourtant, le temps presse. Et Eric apprend que l'espérance de vie d'un enfant enlevé dépasse rarement et statistiquement les 48 heures. Le 10 janvier à 16h, une information judiciaire est enfin ouverte pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Mais le SRPJ qui reprend le dossier tient d'abord à écarter la piste de l'accident. 6 maîtres chiens et une centaine de policiers mènent des recherches à pied dans les campagnes et en 4x4 dans les forêts. Des pompiers sondent les étangs proches du domicile d'Estelle, les gros tuyaux de canalisation, les puits, toujours sans résultat. Le 14 janvier, 5 jours après la disparition, une perquisition massive surprend à l'aube tous les guermantes endormis. Plus de 400 policiers, gendarmes et CRS passent le voisinage au peigne fin. On fouille toutes les maisons, toutes les voitures. Le village est entièrement bouclé, une première. 2 individus sont mis en garde à vue pour détention d'images pédopornographiques, mais pour les enquêteurs, aucun lien n'est établi avec Estelle et les 2 hommes sont vite relâchés. Suzanne et Eric le savent, les chances de retrouver Estelle diminuent de jour en jour, d'heure en heure. Alors ils prennent les choses en main. Les médias s'intéressent à l'affaire, parfait. C'est eux désormais qui leur serviront de tribune. Fin janvier 2003, les parents d'Estelle activent donc leur réseau. Suzanne Mouzin est une femme plutôt discrète. Elle travaille pour Bayer, le groupe pharmaceutique allemand, au service de la communication. Ça tombe bien. Elle demande à sa responsable, Isabelle Kass, un coup de main pour mobiliser les médias et surtout les télés. Celle-ci contacte le journaliste de TF1, Jean-Marc Sylvestre. Ce dernier en touche un mot à Claire Chazal, qui, dans le JT du vendredi, apprend ce qu'il ignore encore, la disparition d'Estelle. Éric Mouzin ne chôme pas non plus. Expert en assurance, il demande à ses confrères, installés en province, de faire circuler l'avis de recherche. Puis il frappe à la porte des services publics, RATP, SNCF, La Poste, qui acceptent. Tour de force, il parvient également à mobiliser près de 500 entreprises privées du jamais vu. Et c'est ainsi que le visage enfantin d'Estelle envahit les McDo, les stations-service, les hôtels, les banques. Le 9 mars 2003, 2 mois après la disparition de sa fille, Eric et son comité de soutien profitent du semi-marathon de Paris pour mobiliser l'opinion publique. Après avoir formé une banderole humaine avec la phrase « Aidez-nous à retrouver Estelle », le long de la ligne de départ, au stade Charletti, Eric Mouzin le reconnaît, il est seul et désemparé. Mais il ne peut pas se résoudre à abandonner. On essaye de faire avec le peu de moyens que nous avons. C'est vrai que notre avis de recherche, ça peut paraître complètement dérisoire. Ça peut paraître même complètement décalé par rapport à ce qui se passe. Ça peut paraître même absurde 2 mois après. J'ai besoin d'idées, j'ai besoin qu'on me donne, j'ai besoin qu'on me dise comment il faut faire. Si Eric multiplie les actions et les rassemblements, c'est aussi parce que du côté de l'enquête, on tourne en rond. Suzanne, la mère d'Estelle, est rongée par la culpabilité. Elle tient bon, mais les mois passent, février, mars, et c'est l'espoir qui faiblit. Dans son jardin de Guermantes, au pied de la cabane dans laquelle sa fille avait l'habitude de jouer, elle se confie au micro d'envoyé spécial. Je garde tout en l'état pour son retour éventuel. Je ne dis pas que éternellement je pourrai continuer de faire cela. Ça dépend de ce qui se passera. Mais... Pour l'instant, je maintiens tout en l'état pendant un certain temps. Et après, on verra. Il faut être relativement logique. Enfin, dans la mesure du possible. Et j'essaie de structurer tout ça pour ne pas sombrer. Hein. Peu à peu, Suzanne Mouzin se met en retrait, puis s'efface complètement. Elle le sait bien, sa fille est morte et ne reviendra jamais. Alors, elle s'installera définitivement en Afrique du Sud avec son autre fille, Lucie. Mais fin juin, advient un élément majeur. Une fillette raconte avoir été importunée à Guermantes 3 semaines avant la disparition d'Estelle par un homme qui roulait dans une camionnette blanche. Le SRPJ peut ainsi dessiner le portrait robot d'un suspect. Lunettes, barbe, sourcils fournis. La technique de l'escargot des policiers leur a fait perdre un temps précieux. Ils changent donc de tactique et s'intéressent désormais à tous les prédateurs potentiels. Au début de l'été 2003, en Belgique, un homme est interpellé après avoir tenté de kidnapper une jeune fille. Père de famille de 61 ans, il est soupçonné dans plusieurs affaires d'enlèvement d'adolescentes, en France notamment. Il a déjà été condamné dans les années 80 pour des affaires de viol, un sérieux client apparemment. Et maintenant, nous vous proposons un document, l'histoire d'un homme que la France a découvert au début de l'été. Son visage de père tranquille a surgi à la rubrique « Faits divers ». C'est le portrait d'un prédateur, celui d'un homme qui part en chasse, un homme obsédé par la virginité. Et pourtant, il va mener une existence paisible avec femme et enfants, sans inquiéter ses voisins ou ses amis. Cet homme, c'est donc Michel Fourniret. Et comme l'expliquent ces journalistes d'Envoyé spécial un an après son interpellation, il s'agit probablement de l'un des plus dangereux pédophiles qu'ait connu la France. Si son mode opératoire pourrait correspondre à celui du ravisseur d'Estelle Mouzin, c'est surtout son véhicule, une camionnette blanche, qui attise la curiosité du SRPJ. 26 juin 2003, Ciney, Belgique. Au volant de sa camionnette, Michel Fourniret aborde Marie Ascension, 13 ans. Il lui demande de monter, prétextant qu'il cherche la route de l'école. La gamine refuse, mais l'homme lui objecte que ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens. Rassuré, l'enfant finit par rejoindre l'homme dans sa voiture. Et aussitôt, il se jette sur elle, la ligote, l'installe à l'arrière et démarre. 10 kilomètres plus loin, alors que la voiture s'arrête à un stop, Marie parvient à ouvrir la porte et à s'échapper. Effrayée, paniquée, elle arrête une automobiliste qui la prend en charge. Elle croise alors la camionnette de Fourniret, probablement à la recherche de sa proie. La conductrice note la plaque d'immatriculation et se rend à la gendarmerie. Michel Fourniret est arrêté 3 jours plus tard. Il porte des lunettes, une barbe, il a les sourcils fournis. Le surnom qu'on lui donnera, l'ogre des Ardennes, est à la mesure de l'ignominie de ses crimes. Affaire sensible, Fabrice Drouel. ses mains sont quand même tout à fait impressionnantes. Sur les 7 ou 8 victimes qui étaient dans le dossier à l'époque, en tous les cas, il en avait étranglé 6. Hein. Et il m'avait expliqué comment il tuait ses victimes, si vous voulez. Il a une caisse à outils où, manifestement, il avait tout ce qu'il fallait pour tuer les gens, quoi. J'ai mis à peu près 15 jours, 3 semaines à m'en remettre après l'expertise, en 2005. J'ai pu bosser pendant 15 jours. Je pouvais plus. On est intoxiqué par sa logique criminelle, en quelque sorte. On ne respire pas le même oxygène. Dans cet extrait d'un documentaire France 2 intitulé Estelle Mouzin, la fin des mystères, Jean-Luc Ployer, psychologue auprès des tribunaux, revient sur sa rencontre avec Michel Fourniret. Les 8 heures qu'il a passées avec le tueur l'ont marqué. Un souvenir traumatisant, même pour un psychologue averti, habitué à cerner le profil de criminels imprévisibles. Dans un premier temps, Éric Mouzin, lui, doute, mais les indices se multiplient. Le véhicule, d'abord, il correspond bien à celui décrit par la jeune guermantaise. Le portrait robot, ensuite. Alors, on perquisitionne son domicile. Et comme par hasard, on trouve une photo d'Estelle dans son ordinateur. Ça fait beaucoup. Éric Mouzin se rend à l'évidence, la piste est plus que sérieuse. Mais fournirait un alibi. Il n'était pas à Guermantes le 9 janvier 2003, non, il était chez lui, dans les Ardennes. Pour preuve, il dit avoir téléphoné à son fils ce jour-là pour lui souhaiter son anniversaire. Les enquêteurs vérifient les relevés de sa ligne téléphonique, effectivement, l'appel a bien été passé de Belgique. Pour Stéphanie Duchâtel, de la direction du SRPJ, ces relevés font foi. Elle explique d'ailleurs, lors d'une conférence de presse, qu'il faut accorder confiance. Le 9 janvier 2003, il était à Sainte-Custine en Belgique, là où il habitait, c'est absolument certain. Il a reçu et émis plusieurs appels téléphoniques qui n'ont pu être passés et reçus que par lui. Mais pour Éric Mouzin et ses avocats, cet alibi douteux ne suffit pas à innocenter Fourniret. Les enquêteurs, eux, se tournent vers d'autres pistes. Le 28 février 2008, un restaurant chinois de Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, est perquisitionné. Selon une source proche de l'enquête, le corps d'une fillette aurait été retrouvé l'été précédent dans ce restaurant par des ouvriers sous une dalle. Au lieu d'appeler les policiers, les auteurs de cette découverte se seraient débarrassés de la dépouille dans une décharge. Le jour même, Edouard Dacosta, reporter pour France 3, est sur place. Effectivement, les policiers à quelques mètres de nous sont en train de perquisitionner dans ce vaste restaurant chinois, site qui devrait être entièrement fouillé donc, et il est même prévu, selon le procureur de la République de Meaux, il est prévu d'utiliser une pelleteuse, si nécessaire, un tractopelle, afin d'accéder aux fondations, au sous-sol de cet immeuble. Les policiers, les enquêteurs de la PJ de Versailles, auraient obtenu peu avant Noël un tuyau, comme l'on dit, un renseignement très précieux, selon lequel le corps d'un enfant, qui pourrait être celui d'Estelle, aurait pu être dissimulé il y a quelques années dans cette grande bâtisse, avant d'être ensuite déplacé par des ouvriers qui travaillaient l'été dernier sur ce chantier de rénovation pour devenir aujourd'hui ce qui est un restaurant chinois qui est bien sûr fermé pour les besoins de l'enquête. Dans l'après-midi, les enquêteurs conduisent un individu menotté dans la salle du restaurant dont les grandes fenêtres ont été bâchées. Cet homme désigne alors le lieu où des ossements ont été retrouvés. Éric Mouzin est mis au courant. Ça fait 5 ans que sa fille a disparu. L'espoir de retrouver son corps revient. Mais les fragments découverts au Royal Walk ne sont pas des restes humains. Non, il s'agit de fragments dentaires d'une chèvre ou d'un mouton. Probablement les restes d'un banal méchoui de chantier. Pour Éric, c'est un crève-cœur. Et il n'est pas au bout de ses peines. Les fausses pistes s'enchaînent. Le 17 janvier 2009, un internaute donne l'alerte. Une jeune fille dénudée figurant sur un site pornographique ressemble étrangement à Estelle. Le SRPJ prend la piste au sérieux, comme l'explique ce reportage de France 3 de Clémence Rabault. La ressemblance avec Estelle Mouzin est pour le moins troublante. Au début du mois de décembre, un internaute a alerté la police après avoir découvert la photo sur un site pornographique basé en Estonie. Des analyses montrent qu'en superposant le visage de l'adolescente sur celui de la petite fille, disparue il y a 6 ans, les proportions semblent correspondre. Les policiers devraient s'envoler prochainement vers l'Estonie pour tenter de faire progresser l'enquête. Le site internet a été placé sous surveillance. Quelques semaines plus tard, la conclusion des enquêteurs tombe. La photo circule depuis 2001, ça ne peut donc pas être Estelle. Février 2012, un militaire de 19 ans oublie dans un hôtel de Besançon une valise contenant des coupures de presse et quelques notes manuscrites sur la disparition d'Estelle. Fausse alerte là encore. Le jeune homme s'est pris de passion pour l'affaire et collectionné les articles à son sujet. C'est tout. Février 2013, en Charente-Maritime, une femme en procédure de divorce prétend que son mari est le ravisseur d'Estelle. Vérification faite, il est mis hors de cause. Douloureuse désillusion, Eric encaisse. Mais pour ne pas sombrer, il s'implique dans son association Le Carburant de sa lutte, comme il le dit lui-même. Il se lance alors dans la création d'un nouveau dispositif d'alerte enlèvement. Ses propositions sont reprises dans les hautes sphères juridiques du pays, ce qui, depuis, a donné d'excellents résultats. Huit janvier 2018, 15 ans tout juste après la disparition de sa fille, Eric Mouzin monte au créneau face aux échecs successifs de l'enquête. Mais aussi pour dénoncer les failles d'un système juridique qu'il juge inefficace, il porte plainte contre l'État pour faute grave. Mais pour ça, il aura fallu passer en revue toutes les anomalies d'une instruction qui a duré 15 ans. Un travail de bénédictin, qu'à cela ne tienne. Expert en assurance, Eric est un homme précis, méthodique. Dans sa profession, qu'il n'a jamais cessé d'exercer, il passe sa vie à enquêter pour comprendre comment un sinistre s'est produit et comment en déterminer le responsable. La précision, le détail, l'observation, c'est son métier. Dans le JT de 20h du 18 janvier 2018 sur France 2, il explique pourquoi lui et ses avocats ont pris le taureau par les cornes. C'est plus que de la colère, c'est de la rage et c'est aussi... D'avoir été baladé et d'avoir été pris pour un con pendant toutes ces années. Nous avons pris la décision avec les avocats que j'allais attaquer l'État pour faute lourde, pour mauvaise gestion du dossier d'Estelle. Je pense que l'on ne recherche plus vraiment Estelle et qu'on ne fait que de la gestion de dossier. Aujourd'hui, il n'y a ni schéma d'organisation de l'enquête, ni méthode, ni chronologie, ni liste de suspects, ni action engagée, ni échéancier, il n'y a rien. Parmi ses critiques, le père d'Estelle souligne l'amateurisme à ses yeux des juges qui ont interrogé Fourniret. Le caractère psychopathologique du suspect aurait dû déclencher l'intervention de spécialistes, des profilers par exemple. On n'obtient pas les aveux d'un Fourniret sans avoir accès à son cerveau. En 2006, on découvre chez lui la vidéo d'un reportage consacré à la disparition d'Estelle. Et l'année suivante, Fourniret demande à rencontrer le père de la petite fille, qui refuse, histoire de ne pas alimenter un potentiel délire morbide. Quelques mois plus tard, dans une lettre adressée au président de la chambre d'instruction de Reims, le détenu demande, sans avouer sa culpabilité, à être jugé dans le dossier Estelle Mouzin. Pour Eric, ces pistes auraient dû relancer l'enquête. Au lieu de cela, les juges de Meaux et le CRPJ de Versailles ne font plus rien pour retrouver sa fille. En 2008, Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour une dizaine de meurtres. Il est accablé par les aveux de sa compagne et ex-complice Monique Olivier, qui se retrouve elle aussi derrière les barreaux. Et puis en février 2019, à la stupeur générale, Monique Olivier fait une étonnante déclaration. Dans une lettre adressée à Sabine Kéris, sa juge d'instruction, la détenue de 72 ans maintenant demande un entretien au sujet de l'alibi de Fourniret, cet alibi même qui depuis le début éveille les soupçons d'Éric Mouzin. Mais la juge n'est pas en charge du dossier d'Estelle et ne peut pas recueillir le témoignage de la prisonnière. Les autorités s'activent alors pour délocaliser l'enquête vers Paris, comme le réclame depuis des années Éric Mouzin. 21 novembre 2019, face à la juge Kéris, Monique Olivier replonge dans ses souvenirs. En substance, elle raconte... Le 9 janvier 2003, au petit matin, Michel Fourniret m'a demandé d'un ton sec de téléphoner à Jean-Christophe, son fils, né d'une première union. Je n'avais pas très envie de le faire et puis nous, on ne parlait plus à Christophe depuis des années. Même si je ne comprenais pas vraiment l'intérêt, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et le soir, j'ai téléphoné à Christophe, j'ai laissé sonner deux fois et puis j'ai raccroché. Une révélation qui change tout et qui laisse à penser que Michel Fourniret aurait très bien pu être à Guermantes à 18h15. Ce soir-là, c'en est la preuve maintenant. Et puis les indices collectés au fil des années refont brutalement surface, le portrait robot, la camionnette blanche, la photo d'Estelle dans son ordinateur, celui de Fourniret. Comment les enquêteurs et les juges ont-ils pu passer à côté de cette piste qui depuis 2003 ne cesse de ressurgir? Le 27 novembre, la juge Kéris convoque Michel Fourniret et le confronte aux aveux de son ex-femme. Amaigri, les cheveux blancs, il se montre vague dans ses réponses. Puis, le sourire aux lèvres, il saisit la photo d'Estelle et se met à fredonner une comptine. Pour avoir une plume à son chapeau, Petit Jean a tué un oiseau. Le tueur en série est-il en train de passer aux aveux? Ce petit oiseau ne serait-il pas la fillette disparue en 2003? Pour la juge Kéris, c'en est assez. Fourniret est mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat d'Estelle Mouzin. Un pas de géant dans cette enquête qui dure depuis 17 ans. Mais cette mise en examen ne suffit pas à prouver la culpabilité de Fourniret. Alors Sabine Kéris organise une nouvelle audition. Le 5 mars 2020, là, le 5 mars dernier, en pleine confrontation, la juge montre à nouveau la photo d'Estelle à son potentiel ravisseur qui déclare « Il est possible que cette image m'indispose et je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute. » Enfin, Michel Fourniret avoue, c'est lui qui a tué Estelle. Soit, mais les déclarations d'un déséquilibré condamné à la perpétuité ne valent rien aux yeux d'Éric Mouzin. Il a appris à ses dépens. Seules les preuves matérielles font nos foi. Il faut donc à tout prix retrouver le corps d'Estelle. 5 mois plus tard, le 22 juin dernier, des fouilles sont lancées chez la sœur de Fourniret à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes. Le lendemain, c'est le château du Sautoux, une autre propriété de Fourniret, qui est passée au peigne fin. Pendant 4 jours, Éric Mouzin voit se rejouer la même scène qu'au lendemain de la disparition de sa fille. À nouveau les gendarmes, les experts, la brigade fluviale, puis les militaires, les pelleteuses qui s'activent. Et Estelle, qui reste introuvable. De son côté, Sabine Kéris ne baisse pas les bras. Si Fourniret prétend avoir perdu la mémoire, Monique Olivier, elle, a bien toute sa tête. Et le 21 août dernier, alors que depuis 4 jours, la juge écoute patiemment et sans la brusquer, l'ex-femme du tueur dans son bureau, la vérité éclate brutalement. Oui, Michel Fourniret a bien enlevé Estelle Mouzin ce 9 janvier 2003. Selon Monique Olivier, le tueur en série l'a d'abord conduite à Ville-sur-Lume. Là, il l'a violée, puis il l'a étranglée. Le 10 janvier, à 4h du matin, il rentre à la maison dans des vêtements souillés et raconte tout à sa compagne, désormais complice. Enfin, Éric Mouzin va savoir ce qu'il est advenu de sa fille. Quelques instants plus tard, une enveloppe est déposée sur le bureau de la juge qui a récemment donné son accord pour faire analyser une pièce mise sous scellé il y a 17 ans. C'est un matelas, celui de Fourniret, perquisitionné le jour de son arrestation. Ce matelas, malgré l'insistance d'Éric Mouzin et de ses avocats, aucun de ses prédécesseurs n'avait jugé utile de s'y intéresser. Pourtant, cette preuve, cette pièce, est la preuve que le père d'Estelle cherche depuis des années, comme le révèle l'avocat de Dominique Olivier devant les caméras de France Télé. L'ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas qui a été saisi peu de temps après l'arrestation de Michel Fourniret sur un matelas à Ville-sur-Lume. Ce qui signifie que Estelle Mouzin a été sur ce matelas-là, qu'on a son ADN, et qu'avec les aveux de Monique Olivier, tels qu'ils ont été faits ce matin, on a confirmation sûre et certaine que de la culpabilité de Michel Fourniret. Comme quoi l'intuition du père d'Estelle était la bonne, il fallait prendre la piste Fourniret au sérieux. Estelle Mouzin aurait aujourd'hui 26 ans. Sa photo, tout le monde s'en souvient, et pour cause. Jamais une disparition n'avait suscité une telle couverture médiatique en France. Mais la renommée de cette affaire ne tient pas qu'à cela. Estelle Mouzin aurait dû être retrouvée. Les inspecteurs tenaient le coupable dès le début de l'enquête, il y a 17 ans alors. À qui la faute? Aux enquêteurs de la PJ de Versailles, qui ont blanchi Fourniret en s'appuyant sur un alibi douteux? Aux juges d'instruction qui tous, à une exception près, ont ignoré les pièces à conviction qui portaient pourtant l'ADN d'Estelle? Ou à l'État pour sa gestion chaotique de l'affaire? Aujourd'hui, Éric Mouzin sait enfin ce qui est arrivé à sa fille. Retrouver son corps sera donc la dernière étape de ce parcours sans fin. Have you faith? It ain't water. Assa Famila sur France Inter de La Brilliant Story. Vous écoutez Affaires Sensibles, nous avons évoqué le dossier Estelle Mouzin et nous allons en parler avec notre invité, l'avocat Didier Seban. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec votre associé Corinne Herman. Vous êtes devenu au fil des années un expert des cold cases, des affaires classées, comme on en traite souvent dans son émission. Dans cette émission, vous accompagnez les proches de victimes de crimes anciens, parfois oubliés, notamment des disparitions d'enfants. L'affaire Estelle Mouzin n'est pas un cold case, nous sommes en plein dedans, puisqu'elle a connu des rebondissements inespérés donc ces derniers mois. Comment vous analysez le fait qu'on ait un supplément d'information, c'est plus que ça, un rebondissement 17 ans après? Je sais que ça arrive dans les affaires judiciaires, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Oui, on a contribué à notre façon avec les familles à résoudre des affaires qui ont plus de 30 ans, des affaires criminelles qui ont plus de 30 ans. Je crois qu'on peut aujourd'hui résoudre tous les dossiers du moment qu'on s'y consacre. Les nouvelles techniques à la fois de police scientifique, les nouvelles techniques informatiques, les nouvelles techniques de recherche devraient permettre de reprendre tous ces cold cases et de résoudre ces affaires criminelles. Vous savez, nous avons coutume de dire qu'il y a 3 ou 4 000 meurtres, peut-être, ces dernières années qui n'ont pas été élucidés. Oui, quand même. Donc autant de criminels qui n'ont pas été poursuivis ou jugés pour ça, et autant de familles qui sont dans l'attente de ce qui a pu se passer. Pour l'affaire Estelle, je crois que la principale erreur, mais c'est une erreur que connaît tout notre système judiciaire et tous nos services d'enquête, c'est qu'on ne sait pas enquêter sur les tueurs en série. Vous savez, par exemple, dans l'affaire Fourniret, il y avait 4 juges d'instruction saisis de 4 affaires différentes après son procès à Charleville-Mézières. Il y avait une affaire à Versailles, une affaire à Meaux, une affaire à Paris. Tous ces gens-là ne se parlent pas. Chacun enquête dans son coin, ne se passe pas les résultats. Pour enquêter sur un tueur en série, il faut connaître toutes les pièces du puzzle. Mmh. Et c'est le problème qu'on a eu dans cette enquête, c'est-à-dire que personne, et pas les enquêteurs de Versailles malheureusement, n'a voulu, véritablement, après qu'il a été condamné à la perpétuité perpétuelle, la peine la plus lourde qu'on puisse prononcer en France, continuer à s'intéresser à celui-ci, alors que beaucoup de meurtres pourraient être élucidés si on s'intéressait au parcours de Michel Fourniret, ce que fait maintenant le juge Kéris, heureusement. Mmh. Alors, il y a eu comme une erreur au départ, c'était technique de l'escargot, vous savez, c'est-à-dire vraiment enquêter auprès du couple en se disant, il y en a un qui veut capter la garde de l'enfant, enfin des choses comme ça, et on perd du temps. Oui, on sait bien que le temps de survie d'un enfant enlevé est malheureusement extrêmement faible, d'où le système Amber Alert, qui est le système qui a été mis en place en France, où on alerte immédiatement par médias interposés quand on a quelques indices, quand on peut identifier l'auteur. On sait que tout se joue dans les premières heures, et perdre ces premières heures à enquêter sur la famille, eh bien, Éric Mouzin s'est toujours dit, on a raté quelque chose, peut-être un indice, peut-être un élément, peut-être un témoin qui aurait parlé de cette fameuse camionnette blanche ou qui aurait orienté vers Michel Fourniret. Donc oui, il fallait le faire, mais il ne fallait pas faire que ça. Et dans les premiers temps de l'enquête, ça a été beaucoup ça. Vous avez parlé des médias. Quelle est l'utilité de leur rôle dans cette affaire? Est-ce qu'ils ont été positivement utiles ou est-ce que, comme d'habitude aussi, les médias qui sont parfois d'un côté utiles peuvent un peu brouiller les pistes, rendre les choses encore plus difficiles? Écoutez, ils sont indispensables. Ah, voilà. Ils sont indispensables parce que face au pouvoir judiciaire, face au pouvoir, au refus auquel se heurtent souvent les familles de réouvrir des enquêtes ou de mettre les moyens dans les enquêtes, le fait que les médias parlent, c'est extrêmement important. Et je vais vous dire, ce qui est peu su, c'est que 15 ans après les faits, l'association qu'avait créé Éric Mouzin, l'association Estelle, a reçu un témoignage qui venait après une énième émission sur l'affaire Estelle Mouzin d'un monsieur qui a permis de dire que Michel Fourniret était juste à côté de Guermantes quelques jours avant la disparition d'Estelle. Or, on sait que Michel Fourniret identifie, traque ses victimes, vérifie leur emploi du temps, prépare ses crimes, c'est pas des crimes faits au hasard. Et donc, ce témoignage donné parce que ce monsieur avait vu une émission et parce qu'il connaissait Michel Fourniret et qu'il l'avait croisé lors d'une station-service, c'est ce qui a convaincu qu'enfin on puisse reprendre la piste de Michel Fourniret, c'est ce qui a fait repartir le dossier. Donc la presse, oui, elle est indispensable. Quant au mauvais départ, on va écouter ce qu'en pense Éric Mouzin lui-même, qui témoignait dans le 13h15, dans le 13h15 de France 2 le 1er décembre 2019. Michel Fournier est rentré dans le dossier d'Estelle en juillet 2003, quand il a été arrêté après sa tentative d'enlèvement. Et depuis, il rentre, il sort, c'est lui, c'est pas lui et tout. Mais tous les éléments dont je dispose à travers le dossier de procédure, c'est que les investigations qui ont été faites autour de lui n'ont pas été faites de façon systématique. Et surtout, l'organisation de la justice aboutit à une mauvaise instruction. Notamment, comment cet alibi, le coup de téléphone qu'il aurait donné ce jour-là, de chez lui, est passé comme lettre à la poste, quoi. Dire, bah, il pouvait pas être à Guermande puisqu'il était chez lui. Ce n'est même pas lui qui donne cet alibi, c'est les enquêteurs qui le lui donnent. En disant, vous avez passé un coup de téléphone ce jour-là, ils ont la facture. Ah oui. Mais sur la facture, vous savez, c'est pas très compliqué, sur la facture, il y a marqué « le transfert d'appel est possible ». Donc déjà, on savait que quelqu'un avait pu appeler d'ailleurs et passer par la ligne de Michel Fourniret sans être présent à Sarthe-Custine dans sa maison. Donc rien que ça, ça nous fait dire, on a fait des notes et des notes sur cet alibi. Ça pouvait être Monique Olivier qui l'a passé, elle l'a confirmé. Le fils dit « mon père ne m'a jamais appelé ». La belle-fille dit « je ne l'ai jamais eu ». Donc personne, il y avait personne au bout du fil. Ça pouvait évidemment être quelqu'un d'autre qui l'avait passé. Ça pouvait être au terme d'un transfert d'appel. Et avec ça, et puis une autre conviction de l'enquêteur, l'enquêtrice que vous avez citée, nous dit « moi, s'il m'avait menti, je l'aurais vu que Michel Fourniret me mentait ». C'est le plus grand pervers, le tueur en série, le plus, si j'ose dire, capé dans les crimes que nous connaissions. Et un enquêteur qui ne le connaît pas, qui n'a pas travaillé sur son parcours, qui n'a pas travaillé sur ses autres crimes, comme nous l'avons fait avec Corinne Hermann, eh bien, nous dit, j'aurais vu s'il mentait, ça n'était pas sérieux. Nous avons crié sur tous les toits, nous avons saisi la Cour de cassation, nous avons demandé les changements de juge, nous avons demandé le changement du service d'enquête, nous avons tenu des conférences de presse pour dire que la justice ne faisait pas son travail, nous avons attaqué l'État pour faute lourde, tout ça pour aboutir à ce qu'enfin... un juge et des services d'enquête qui n'avaient pas d'a priori sur l'idée que Michel Fourniret pouvait être l'auteur de ce crime soit enfin saisi. Mais enfin pourquoi? Alors moi je me pose la question, c'est quoi? C'est une question d'incompétence? On ne veut pas voir, on ne veut pas arrimer ce crime-là au parcours de Michel Fourniret? Je ne comprends pas pourquoi. Alors tout simplement pour une chose, les Belges quand ils remettent Michel Fourniret à la France disent aux policiers français, c'est lui dans Estelle Mouzin. Et les policiers français veulent croire que les Belges sont moins doués qu'eux. Ah. Ils font un début d'investigation sans s'intéresser au parcours de Michel Fourniret. Ce ne sont pas les mêmes enquêteurs que ceux qui vont suivre l'ensemble des crimes. Et puis ils trouvent cet alibi, ils disent donc ça n'est pas lui. Et puis après dire on a eu tort, on a travaillé toutes ces années sans véritable méthode, ça n'est plus possible. Vous savez, mon Henri Leclerc, ce grand avocat, disait souvent que les certitudes policières font les erreurs judiciaires. Oui, eh bien, d'une certaine manière, on est dans une option, on ne veut pas en démordre, et c'est quand même pas les avocats qui vont nous dire où il faut chercher quand on est des grands policiers. Digné Seban, vous êtes vous-même avocat. On se retrouve dans 3 minutes et on parlera de cette juge, Sabine Caris. C'est important. Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees. My ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart, vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Oh Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that strength spring, it's so damn dark. I think I'm going blind, oh Ariadne. I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I am coming out. Just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Oh, Ariadne, I just need to... Ah, ça fait vidan. Cette fois, c'est banal. Sur France Inter. Et In Water. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Didier Seban, dans l'affaire Estelle Mouzin, donc il y a l'action de cette juge, Sabine Kerris, et ça change tout. Ça change tout, oui. C'est une juge d'abord qui ne se refuse rien, c'est-à-dire qui va écouter tout le monde, les avocats, les enquêteurs, qui va avoir l'autorité de changer de service d'enquête, de le confier à la section de recherche de Dijon, section de recherche qui a enquêté sur deux autres crimes de Fourniret, les affaires Paris et Domèche, où elle a obtenu aussi des aveux, des affaires moins médiatiques, mais deux crimes que nous suivions avec Corinne Herman et où Monique Olivier avait passé des aveux, mais on nous avait dit, mais finalement, que valent les aveux de Monique Olivier? Mais il faut écouter ces tueurs en série. Au fond, ils sont tellement fiers de leur parcours criminel qu'ils n'endossent jamais les crimes des autres. Et donc, Michel Fourniret s'était dénoncé aussi, comme vous l'avez rappelé. Il avait écrit pour dire « Je veux être jugé dans l'affaire Estelle Mouzin, dans l'affaire Johanna Paris et dans l'affaire Marie-Angèle Domès. » Au fond, ces deux affaires, il les a avouées et on continue à nous dire « Eh bien, dans Estelle Mouzin, c'est pas lui. » Donc, voilà une juge qui va avoir l'autorité de changer les services d'enquête, d'imposer tout ce que nous demandions, c'est-à-dire de saisir le logiciel Anacrim, qui est un logiciel qui permet de rapprocher l'ensemble du parcours de vie de Michel Fourniret et de le fixer à différents endroits. Elle va multiplier les expertises ADN chez le meilleur expert qui existe en France, le professeur Doutre-Meupuis. Elle va mettre en branle des fouilles tout à fait extraordinaires. Nous l'accompagnons au château du Sautou, à la maison de Ville-sur-Lume. Elle va dire, et oui, on doit à ce père, on doit à cette famille une vérité que la justice n'a pas vraiment cherchée jusque-là. Et je crois que c'est cette autorité. Et puis cette intelligence aussi, on n'interroge pas Michel Fourniret et Monique Olivier comme on interroge un voleur de portefeuille. Elle va... d'abord, tout lire. Il y a presque 5 tomes de dépositions ou d'interrogatoires de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans les différents dossiers. Donc, elle sait comment ils parlent, comment ils les interrogent. Elle va les interroger en prenant le temps, l'un après l'autre, avec douceur, mais avec conviction. Elle va même lire les œuvres de Dostoïevski, les relire, parce que Michel Fourniret se targue d'être un grand spécialiste de littérature russe. Elle trouve pas des indices. Non, et puis aussi pour pouvoir lui parler, lui montrer que elle prête attention à qui il est. Donc, elle va faire tout ça pour arriver à obtenir la confiance de ces deux criminels, ne pas se laisser avoir par leur discours, mais pouvoir aboutir à des interrogatoires qui mènent à quelque chose. Et puis aller assister, je dois le dire, on l'oublie souvent, d'une greffière qui s'est plongée dans le dossier comme elle et qui connaît par cœur la vie, les détails des témoignages. Parce que par exemple, Michel Fourniret, quand il avoue un crime dans une affaire, quelquefois il se trompe de crime. Donc il faut aussi prendre chacun de ses aveux et de ses déclarations pour les mettre à l'aune de ce qu'on cherche. Donc le portrait robot de deux excellentes professionnelles dans Exactement. La magistrature du siège. Exactement. Alors est-ce qu'on en sait plus sur l'issue de l'audition récente, de la dernière de Michel Fourniret? Parce que maintenant ce qu'on cherche, c'est l'endroit où repose le corps d'Estelle. Écoutez, il y a le secret de l'instruction, mais ce qu'on peut dire, c'est que Michel Fourniret, là, commence à vieillir sacrément et à perdre un peu la tête. Et c'est ce qui aussi met en colère Éric Mouzin, peut-être l'aurait-on interrogé avant, en aurait tu su plus. Ouais. Mais évidemment, il lâche quand même au détour d'une phrase des indices, des éléments. Et puis la juge est décidée à reprendre les fouilles et à prendre tous les éléments qu'a pu apporter Monique Olivier, qu'a pu apporter Michel Fourniret pour essayer de retrouver le corps d'Estelle. C'est vraiment l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Le père d'Estelle, donc Eric, on l'a entendu dans le récit, n'a jamais baissé les bras. D'ailleurs, au début, il pouvait faire partie des suspects, hein, puisque le couple avait des problèmes. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a même pas été le cas, d'ailleurs. Il était courageux dès le début. Parlez-moi de lui. Parce que, évidemment, toute cette action avec votre aide, hein, vous êtes son avocat, bien sûr. Ben, quel homme est-il ? Ben, écoutez, on peut avoir le sentiment d'un homme qui ne donne pas tout de suite sa confiance, qui est d'une certaine froideur, on l'a présenté comme tel, mais il va avoir le courage de s'inscrire dans la durée, de mener son combat jusqu'au bout, et ce que je trouve absolument merveilleux, de dire, finalement, il faut que le drame terrible que je vis, serve d'expérience pour d'autres, et puis permette de changer les choses. Donc on l'a vu au travers de la possibilité d'alerte enlèvement. On l'a vu aussi dans son exigence aujourd'hui d'avoir des juges spécialisés dans les tueurs en série et dans les cold cases pour pouvoir résoudre ces affaires. Des juges qui restent là longtemps, qui ont les moyens de faire ces enquêtes. On voit que il a transformé sa douleur, sa souffrance qui est terrible, en une volonté de combattre pour d'autres familles et du fait qu'on tire les leçons de ces affaires. Il y va de la justice comme de la science, hein, le retour d'expérience. L'accidentologie peut aussi apporter des solutions. Merci infiniment, Didier Seban. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Estelle Mouzin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, franceinter.fr. Pour toute information complémentaire à notre émission, à la technique aujourd'hui, il y avait Florent Bujon. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.